بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم هو الرابع من شهر صفر لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سندخل إن شاء الله في الدرس 27 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 7 décembre 2013 et nous allons entrer, inshallah, aujourd'hui dans le 27e cours de ce livre, Les qualités sublimes du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, de l'imam الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais particulièrement celles qu'il faisait au cours de la nuit, c'est-à-dire les prières de nuit, qiyamul layl sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu à travers les cours passés combien était longue la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a pensé un jour à faire une chose mauvaise. Il a pensé à se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'asseoir en pleine prière. Nous avons vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois priait toute la nuit en ne récitant qu'un seul et même verset. Et nous avons tiré comme enseignement de ce hadith qu'il est meilleur, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, de réciter un, deux ou plusieurs versets par lesquels nous sommes concernés et qui ont de l'effet sur nous, sur notre personne, sur notre cœur, dans une situation qui nous touche de près ou de loin, il est meilleur de répéter ce verset plusieurs fois dans le but de faire de celui-ci un remède à ce mal qu'on affronte. Il est meilleur de faire cela que de réciter tout le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé le Coran que pour qu'il soit médité. Et le dernier hadith sur lequel nous nous sommes arrêtés est celui de Aisha radiyallahu anha, dans lequel elle nous a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en étant assis. Il récitait donc en position assise. Et quand il restait à réciter 30 ou 40 versets, il se relevait, sallallahu alayhi wa sallam, et continuait sa prière debout, et il faisait de même pour la deuxième raka'a. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le hadith d'Abdullah ibn Shaqiq. Qala, sa'altu Aisha radiyallahu anha, an salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, an tatawu'ih, faqalat, كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أأنتيروجي عائشة رضي الله تعالى عنها au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam surérogatoire. Et avant même d'entrer dans le hadith, déjà ici on peut encore tirer une leçon. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette partie qu'on vient de lire? Personne n'a une réponse? Abdullah ibn Shaqiq va voir Aisha radiallahu anha pour lui demander comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. On tire encore une même leçon que les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ridwanullahi alayhim, kanu harisin ala al-iqtida'i bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les pieux prédécesseurs étaient très investis et motivés à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, lorsqu'il est venu questionner Aïcha radhiyallahu anha sur quelle prière l'a-t-il interrogé? La réponse, sur la prière surérogatoire, nafila. En d'autres termes, at-tatawwu'. Ce sont des prières qui ne sont pas obligatoires, mais si le musulman les accomplit, il en aura une récompense. Aïcha radhiyallahu anha a dit, il priait une longue nuit en étant debout et une longue nuit en étant assis. Donc, lorsqu'il récitait le Coran en étant debout, il s'inclinait et se prosternait après avoir été debout. Et quand il récitait le Coran en étant assis, il s'inclinait et se prosternait à partir de la position assise. Vous vous souvenez d'un hadith passé? Lequel? Naam. Abdelghani. Barakallahu fik. On vient de lire un hadith, ou on a lu un hadith, dans le cours passé, dans lequel on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait assis, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il restait 30 ou 40 versets à réciter, il se relevait et les récitait en position debout, alayhi salatu wa sallam. Par contre ici, on nous dit que parfois il priait assis et d'autres fois debout, et que quand il priait assis, alayhi salatu wa sallam, quand il priait assis, il faisait tout en position assise. Donc, la lecture entière, l'inclinaison, la prosternation, alayhi salatu wa sallam. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths, ou bien entre ces deux informations. Dans la première, Aïcha radiyallahu anha nous enseigne que quand il restait 30 ou 40 versets à réciter, il se levait, alayhi salatu wa sallam, et il continuait à réciter ses versets debout. Alors que dans le deuxième, quand il récitait assis, il restait assis. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, pour concilier les deux informations, a dit que quand il priait entièrement assis, c'est quand il avait atteint un âge avancé. Alors que quand il se levait, quand il restait 30 ou 40 versets, c'était avant qu'il atteigne cet âge avancé. Donc il avait physiquement ce qui lui permettait de se lever, alayhi salatu wa sallam. Et à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a, comme on le voit dans certains hadiths, a prié difficilement à un point, une de ses dernières prières, alayhi salatu wa sallam, on la menait à la place de la prière, et il était traîné entre deux hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que dit l'imam Ibn Hajar. Il a dit que quand il était jeune, il priait assis, puis il se levait pour réciter les 30 et 40 derniers versets. Alors que quand il a atteint l'âge avancé, il restait assis, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, on apprend que on a le droit de prier assis. Bien sûr, nawafil. Les prières surérogatoires. On n'a pas le droit de prier assis, les prières obligatoires. Par contre, au niveau de la récompense, sachez que celui qui prie nafila, une prière surérogatoire, en position assise, aura la moitié de la récompense que va avoir celui qui prie en position debout. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, il dit, salatu ar-rajuli qa'idan ala nisf as-salah. La prière de l'individu qui l'accomplit assis aura la moitié de la récompense de celui qui l'accomplit debout, alayhi salatu wa salam. Tayyib, une question se pose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il priait assis, avait la moitié de la récompense, ou bien avait-il la récompense totale? Il avait la récompense totale parce qu'il ne priait que quand il était malade. On te donne un bon point pour la première moitié. Par contre, pour la deuxième partie de la réponse, tu n'as pas eu La bonne réponse. Alayhi salatu wa salam, Bilal, tu veux peut-être le corriger. Le compagnon est rentré et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier en position assise. Il lui dit, au messager d'Allah, حدثتُ أنك أخبرتنا أن صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت صليت قاعدة. Compagnon lui dit, au messager d'Allah, on m'a enseigné que tu nous as informé que la prière de l'individu qui s'assoit quand il prie aura la moitié de la récompense de celui qui prie en étant debout. Et toi, tu pries assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ajal, walakinni lastu ka ahadikum. Prophète lui dit, c'est vrai. Cependant, je ne suis pas comme l'un d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, la récompense totale. Alors que les autres, eux, ont la moitié de la récompense quand ils prient, en position assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certaines particularités. Il a certaines particularités qui ne concernent que sa personne. Parmi ces choses, ce dont on vient de parler tout de suite concernant la prière surérogatoire en position assise. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها عليه الصلاة والسلام. حفصة qui est donc l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم mais aussi La fille de Abu Bakr. La fille de Umar radiallahu anhu. Comment s'appelle la fille de Abu Bakr? Aisha radiallahu anha. Ces deux femmes sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa radiallahu anha a dit, je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier sa prière surérogatoire en étant assis. Et cela, jusqu'à un an avant sa mort. Là, la traduction en français, c'est la traduction d'une autre version du hadith. Et c'est celle qu'on allait citer après. Apparemment, dans la traduction, ils l'ont cité. Mais si on se contente de citer ce qui est en arabe, c'est ce qu'on va commencer par faire. Hafsa radiallahu anha dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait ce qu'on appelle un subha, en position assise. Il récitait la surah et il la psalmodiait, c'est-à-dire qu'il récitait la surah en prenant son temps, jusqu'à ce qu'elle devienne plus longue qu'une sourate qui est plus longue qu'elle à la base. C'est-à-dire que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait tellement son temps dans la lecture du Coran et dans sa récitation que la sourate qu'il récitait, qui à la base est plus courte que d'autres sourates, devenait plus longue dans le temps de la réciter qu'une autre sourate qui est plus longue dans le nombre de versets. Wadih? Et on a appelé cette prière ici subha, du verbe sabbaha. Et des fois la prière porte le nom d'une des choses qui fait partie des composantes de cette prière. Dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? Subhana rabbi al-a'la, ce qu'on appelle at-tasbih. Ici, cette prière a porté le nom dans ce hadith d'une partie de ce qu'on fait dans la prière. Tout comme des fois on dit, tu as prié combien de? Combien? Qu'est-ce qu'on dit? Raka'a. Qu'est-ce que veut dire le mot raka'a? Inclinaison. Quand on parle de raka'a ici, on parle de la prière. Et pourtant, on a donné comme nom à cette prière le nom d'une composante de la prière. Tout comme des fois on dit sajda, une prosternation, et on veut dire par là la prière. Ici, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à subha en position assise, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on apprend et on comprend que ce qui est voulu, c'est la prière nafila, une prière surérogatoire. Il priait les surérogatoires en position assise, alayhi salatu wa sallam. Il récitait la sourate et il la psalmodiait jusqu'à ce que celle-ci devienne plus longue qu'une sourate qui à la base est plus longue que celle qui est récitée. C'est-à-dire que dans le cas où, on va donner un exemple clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ou plutôt on dira, quelqu'un qui va réciter sourate, on va dire, Qaf, qui fait à peu près 2 pages et demie. Et on a une autre personne qui va réciter sourate al-insan, qui fait à peu al-qiyama, qui fait à peu près 1 page. Il se peut que la personne qui récite al-qiyama psalmodie le Coran et prend son temps dans la façon de réciter jusqu'à ce que celle-ci a une prière qui durera plus longtemps qu'une autre personne qui récitera sourate Qaf de 2 pages et demie, mais qui va la réciter rapidement. C'est ça qui est voulu dans ce hadith. Aussi, on apprend dans d'autres hadiths qui sont authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il méditait le Coran. On vient de voir qu'il répétait parfois un seul et même verset toute la nuit. Et c'est une des choses qui faisait allonger le temps de sa prière. Aussi, il ne passait pas par un verset qui cite l'enfer sans s'arrêter et demander à Allah, en invocation, de le préserver de l'enfer. Tout comme il ne passait pas par un verset qui citait le paradis sans s'arrêter pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala le paradis. Il ne passait pas par un verset où la grandeur d'Allah était proclamée sans que lui-même le fasse, sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces choses-là, et s'ajoute à elles la méditation du Coran et la récitation douce et lente pour méditer le Coran, faisait que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était longue. عليه الصلاة والسلام والله أعلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. عائشة رضي الله عنها nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم mourut alors que la plupart de ses prières se faisaient dans la position assise. Juste avant sa mort, et on va même savoir exactement 1 an avant sa mort, alayhi salatu wassalam, il priait la plupart de ses prières en position assise. Et c'est dans l'autre version du hadith de Hafsa qu'on vient de lire que cette information nous est donnée. Et ce qu'on a ici, quand elle nous dit, radiyallahu anha, je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier sa prière surérogatoire en étant assis, et cela jusqu'à 1 an avant sa mort. C'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais vu prier assis, mais à partir de 1 an avant sa mort, il a commencé à s'asseoir sallallahu alayhi wa sallam quand il a pris de l'âge et quand la fatigue a commencé à le toucher sallallahu alayhi wa sallam. Donc la plupart de ses prières se faisaient en position assise. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وفي بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه va nous citer des informations concernant les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la journée. Et à partir de ce hadith-là, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, jusqu'à la fin du chapitre, toutes les prières dont on va nous parler ne sont plus les prières de la nuit, mais elles sont les prières du jour, surérogatoires du jour. On comprend donc que ce chapitre se divise en 2. les prières de nuit surérogatoires et les prières du jour surérogatoires. Elles commencent à partir de ce hadith. Abdullah ibn Umar dit, j'ai fait avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une prière de 2 unités qabla dhuhr, avant la prière de dhuhr. Ensuite il dit, et 2 unités, 2 inclinaisons après celle-ci. Une autre de 2 inclinaisons après la prière du maghrib dans sa maison. Et 2 inclinaisons après la prière de la nuit, al-isha, dans sa maison. On a un total de combien? Combien de prières? 4 prières de 2 raka'ah. On a un total de combien d'unités, de combien de raka'ah? 8. Et dans d'autres hadiths, combien de prières on a, ce qu'on appelle al-rawatib, les prières constantes dans la journée? Qui connaît le nombre? 12. Ici, Ibn Umar radiallahu anhuma nous en rapporte 8. Et dans un autre hadith, il va nous citer 2 autres, qui seront les deux raka'ah de la prière, de la sunnah du Fajr. Et on va voir après les 2 autres, qui fera un total de 12. Donc Abdullah ibn Umar radiyallahu anh nous dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il l'a vu faire 2 raka'ah avant dhuhr et 2 après, 2 raka'ah après le maghrib et 2 raka'ah après al-isha, ce qui fait un total de 8. Le deuxième hadith est rapporté par lui-même. Wa anhu radiyallahu anhuma qala haddathatni Hafsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه toujours dit que Hafsa رضي الله عنها lui a donné cette information. Qui est Hafsa pour Abdullah? Hein? C'est sa sœur. Hafsa est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Umar ibn al-Khattab. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma est quelqu'un de très connu pour son investissement dans le suivi de la sunna. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle est son épouse et elle vit avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une prière de 2 raka'ah lorsque l'aube se levait et que le mu'adhin appelait à la prière. Donc ici on nous parle des 2 raka'ah qui sont celles de la sunnah du Fajr. Al-Bukhari rahimahullah nous rapporte au sujet des mérites de cette prière. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit raka'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 unités de raka'ah, de prière de la sunna du Fajr sont bien meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Subhanallah. Si ces 2 unités de prière, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont fortement recommandées, sont bien meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient, que va-t-on dire alors des 2 unités de prière qui vont les suivre, qui sont les prières obligatoires, au sujet desquelles Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière une partie de la nuit, une partie du jour, et de réciter le Qur'an au fajr, c'est-à-dire à la prière du matin. Et il dit la récitation du Qur'an au fajr a des témoins. Subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidhi rahimahullah rapporte un hadith qudsi, un thème divin, une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui n'est pas dans le Coran, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Yabna Adam salli irka'li arba'an min awalin nahar akfika akhirah. Ô fils d'Adam, incline-toi 4 fois devant moi le matin, c'est-à-dire 2 raka'ah suivi de 2 autres raka'ah, je te préserverai pour le reste du jour. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, les 4 unités de prière citées ici sont les 2 raka'ah de la sunna et celles qui suivent, les 2 raka'ah obligatoires. Donc on parle ici de la prière du matin. Celui qui prie les deux sunnahs du matin, puis il suit avec ça la prière obligatoire, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, lui promet qu'il lui accordera sa protection. Et cela en concordance avec le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla subha fi jama'a, man salla subha fa huwa fi zimmatillah. C'est-à-dire, celui qui prie la prière du subh, prière du matin, sera sous la protection d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ayyub, qui est un des rapporteurs de ce hadith, a dit, et je pense que, il a dit, je pense qu'il a dit, c'est-à-dire je pense que Omar, Ibn Omar radiyallahu anhu, na'am, je pense que Nafi, en fait, on nous parle des rapporteurs de ce hadith. Des fois, dans les hadiths, il y a un doute. Un des rapporteurs a un doute, comme on a vu quelque part plus loin, ou avant, Shu'ba avait douté sur une partie du hadith. Ici, Ayyub, qui est un des rapporteurs du hadith, dit qu'il pense que Nafi', qui est un autre rapporteur du hadith, a rajouté dans ce hadith que ces deux raka'a étaient légères. Et dans d'autres hadiths qui sont où il n'y a aucun doute, on sait que ces deux rakat étaient bel et bien légères. Et on les a vus, on a vu quelques-uns de ces hadiths-là avant. Donc, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier ces deux rakat et de les prier de façon courte et légère. وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء أي الفجر ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. Donc on vient de lire le troisième hadith de عبد الله بن عمر. Dans le premier il nous parle de 8 raka'a. Dans le deuxième, il nous parle des deux raka'a du matin, ce qui fait 10. Et dans le troisième, il nous parle des 10. Ici, il nous dit, j'ai retenu de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la pratique de 8 inclinaisons. Une prière de 2 avant la prière du début d'après-midi, c'est-à-dire al-dhuhr, et 2 après celle-ci, une autre de 2 après le maghrib et 2 après l'Isha, ce qui fait 8. Il dit, Hafsa m'a de même mentionné une prière recommandée de 2 inclinaisons à l'aube. Il ne m'arrivait pas de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplir. Donc, pourquoi il ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir ces 2 raka'a? Parce qu'il les priait chez lui, alayhi salatu wa sallam. Et il fait partie de la sunna de prier les nawafil, les prières surérogatoires, à la maison. Il a même dit que c'est la meilleure prière que l'on peut faire, celle qui est faite à la maison, en dehors des prières prescrites, obligatoires. Les prières obligatoires doivent être accomplies obligatoirement dans les maisons d'Allah, dans les mosquées. Par contre, les prières surérogatoires, il est meilleur de les accomplir dans la maison, pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, le fait de remplir cette maison du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de chasser les shayatins, les démons qui seraient amenés à entrer dans cette maison. Également, d'habituer les proches et les enfants à voir dans cette maison de la ibada et d'autres choses encore. Ce qui fait 10 raka'a. An Abdullah ibn Shaqiq, قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. عبد الله بن شقيق رحمه الله encore une fois interrogé عائشة رضي الله عنها lui demandant des précisions sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, il faisait une prière de 2 raka'a avant la prière du dhuhr et 2 raka'a après celle-ci. une autre de deux rak'ah après le maghrib, et deux rak'ah après la prière du Isha, puis deux rak'ah avant la prière de l'aube, ce qui nous fait 10 rak'ah. L'imam Muslim, rahimahullah, ou le Bukhari, l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte ce hadith-là avec un rajout ou une autre version. Il dit, Abdullah, donc Aisha radiallahu anha a dit, كان يصلي قبل الظهر أربعة. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avant la prière du dhuhr 4 rak'ah. Maintenant, on a les 12. On a les 12. Donc, pour les remettre dans l'ordre, qui est-ce qui va me les rappeler? 4 rak'ah avant la prière du dhuhr, 2 après la prière du dhuhr, ce qui fait 6. 2 rak'ah après le maghrib, ce qui fait 8. 2 après l'Isha, ce qui fait 10, et 2 rak'ah avant la prière du Fajr, entre l'Adhan et l'Iqama, ce qui fait un total de 12 rak'ah. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces 12 rak'ah? Ummu Habiba nous le rapporte. Elle nous dit, radiyallahu anha, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصلي من كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة رضي الله عنها nous rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, pas un serviteur ne prie 12 unités de prière par jour surérogatoire en dehors des prières obligatoires, sans qu'Allah, par cela, ne lui construise une maison au paradis. Donc ça, c'est la récompense de celui qui prie 12 rak'ah chaque jour. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura une maison au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette lecture une lecture différente à celle du journal qu'on lit pour passer le temps. Demande à Allah de soigner nos cœurs et de nous aider à être assidus dans ces 12 rak'ah. Qu'est-ce qu'a dit Ummu Habiba qui rapporte ce hadith? قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد. Elle dit, après cette information, je n'ai cessé de les prier. Un deuxième rapporteur de la chaîne de transmission dit, après cette information, je n'ai cessé de les prier. Et le troisième rapporteur dit aussi, après cette information, je n'ai cessé de prier ces 12 rak'ah chaque jour. Ce qui nous enseigne que les pieux prédécesseurs, salaf, salih, étaient très investis dans le suivi de la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est retenu, c'est 4 rak'ah après dhuhr. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, a dit concernant ces deux versions, celle dans laquelle on nous parle de 2 avant dhuhr, et celle dans laquelle on nous parle de 4 avant dhuhr, يُحْمَلُ هَذَا عَلَى حَالَتَيْنِ فَتَارَةً يُصَلِّي ثِنْتَيْن وَتَارَةً أَرْبَعَى. C'est-à-dire que pour concilier ces deux versions, on dira qu'il se peut qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois priait 2 rak'ah avant dhuhr et d'autres fois 4 rak'ah avant dhuhr. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah ta'ala, a dit, et des fois, les sahaba, radiyallahu anhum, parlent de ce qu'ils ont vu. Donc ici, les compagnons qui nous parlent de 2 rak'ah avant dhuhr, nous parlent de ce qu'ils ont vu. Mais d'autres ont vu 4. Il dit aussi, toujours à Cheikh Abd al-Razzaq, ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahum Allah, il dit, أو أنه صلى في البيت أربعة وفي المسجد ثنتين والله أعلم. Ou bien, peut-être que des fois, quand il était chez lui, il priait 4, et quand il était à la mosquée, il priait 2, donc les sahaba le voyaient prier. De quoi qu'il en soit, on a le hadith authentique qui nous parle de 12 rak'ah. Et on sait quels sont ces 12 rak'ah. Walillahi alhamd. An Asim ibn Dhamrah, yaqulu sa'alna Aliyan radiyallahu anhu an salati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam من النهار. Donc un tabi'i dit qu'il a interrogé Ali radiyallahu an au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la journée. Taïb, on voit encore toujours la même chose. Combien les salafs étaient investis dans le suivi de la sunna. Qu'est-ce que Ali radiyallahu an a répondu? فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى فَقَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثِ Ali radiyallahu an a dit, vous ne pourrez, ici on a dit l'observer, mais ce n'est pas ça la bonne traduction. La bonne traduction c'est le supporter. Vous ne pourrez le supporter. Nous dîmes, celui qui le pourra parmi nous, priera. C'est-à-dire, ô Ali, donne-nous quand même cette information, et celui parmi nous qui sera capable de faire ce que tu vas nous dire, il le fera. Et celui, quant à celui qui ne le sait pas, alors il ne le fera pas, tout simplement. Mais il y a une chose à retirer de la parole de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quand il leur a dit, vous ne pourrez le supporter. Savez-vous ce qu'on en tire de cette parole? On en tire que quand les salafs, radiyallahu anhum, interrogeaient sur des sunnas, leur but dans les questions qu'ils posaient, c'était de suivre et de la mettre en pratique. Et ça, c'était une chose qui était connue chez eux. C'est pourquoi Ali radiyallahu anhu, avant de leur répondre, leur a dit, vous ne pourrez le supporter. Car il sait qu'ils vont essayer de le faire. Car chez eux, chez les salafs, c'est connu que quand on pose une question dans le dîn, c'est pour le mettre en pratique. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il s'est empressé de répondre cette question. Et ici, il y a une éducation pour le musulman. Le musulman, quand il interroge dans sa religion, c'est pour mettre en pratique. Ce n'est pas simplement pour savoir que cette chose se divise en deux et celle-ci en trois, et la définition est telle et telle chose, puis après, ne pas les mettre en pratique. Ici, avant même de leur donner l'information, il leur dit, vous ne pourrez le supporter, parce qu'il sait qu'ils vont vouloir le faire. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, celui qui le pourra parmi nous priera. Il veut quand même l'information et l'information. Et il dit que celui qui pourra, il essaiera et il le fera. Qu'est-ce que dit Ali, radiyallahu an? Il dit, كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. علي رضي الله عنه dit, lorsque le soleil se trouvait par ici, donc comme on le voit, c'est-à-dire du côté de l'est, tel que dans la position où il se trouve à la prière du milieu d'après-midi, c'est-à-dire al-asr, par là, du côté ouest, il faisait alors une prière de deux rak'ah. Ensuite, lorsque le soleil se trouvait ici, du côté est, comme dans la position où il se trouve par là, du côté ouest, lors de la prière du début de l'après-midi, al-dhuhr, il faisait une prière de quatre rak'ah. Avant de continuer, nous allons expliquer ce qui est voulu ici. Ali radiyallahu anhu, premièrement, va nous parler des deux rak'ah qui sont priées quand, à quel moment? Al-duha, à la prière du duha. Et c'est le chapitre qui va suivre justement. Et vous savez que le soleil, le soleil, il passe de l'est à l'ouest. Il se lève et il va de l'autre côté se coucher. Ali radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment du duha, accomplissait deux rak'ah. Et au moment de la prière du dhuhr, accomplissait quatre rak'ah, c'est-à-dire quatre rak'ah entre l'adhan et l'iqama, les quatre rak'ah dont on a parlé auparavant. Il faisait une prière de quatre rak'ah. Il faisait aussi quatre inclinaisons avant dhuhr et deux après dhuhr, ainsi que quatre avant l'asr. Ici, on a une information supplémentaire. Quatre avant Al-Asr, qui ne rentrent pas dans les rawatib, les prières constantes, mais qui tout de même font partie des prières qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rahimallahu mri'an salla qabla al-asri arba'a » qu'Allah fasse miséricorde à un individu qui a prié quatre rak'ah avant dhuhr, avant l'asr, barakallahu fik, séparant chaque paire d'inclinaisons par une salutation sur les anges rapprochés d'Allah, sur les prophètes et ceux qui les suivent parmi les croyants et les musulmans. Ici, il y a deux éventualités quant à ce taslim, au sujet duquel on nous dit qu'il saluait les anges rapprochés d'Allah, les prophètes, ceux qui les suivent parmi les croyants et les musulmans. À quel moment est-ce que cette chose est faite? Est-ce qu'on nous parle? Il y a deux éventualités. Soit on nous parle pendant At-Tashahhud, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, que le salut soit sur nous et à la fin sur les serviteurs d'Allah pieux, entre dans les serviteurs d'Allah pieux, tous ceux qui sont cités ici, les anges, les prophètes, les rapprochés, les croyants, les croyantes. Ou bien, au moment du taslim, quand on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah pour sortir de la prière. Et il apparaît, Wallahu a'lam, comme a dit le Cheikh Abdul Razak, que ce qui est voulu, ça serait plutôt At-Taslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pourquoi? Car il y a un indice qui prouve cela. Quel est-il? C'est le fait qu'il séparait chaque paire d'inclinaisons par une salutation sur les anges. Donc il faisait quatre rak'ah qui était séparé par une salutation pour sortir de cette prière. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc on comprend que quand on salue Assalamu alaykum wa rahmatullah, qui sont ceux qui sont salués? Les anges rapprochés d'Allah, les prophètes, les pieux parmi les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes. Et ainsi s'achève le chapitre concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui portait sur les prières de nuit et celles de jour surérogatoires. Wallahu al-muwaffiq li kulli khair. Le chapitre suivant, Babu salati dhuha, la prière de la matinée. La prière de la matinée, qui est appelée en arabe dhuha, dhuha étant le mot que l'on utilise pour désigner le temps qui sépare le shuruq, le lever du soleil, jusqu'au zawal, le zénith. Tout ce temps-là s'appelle en arabe dhuha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier 2, 4, 6 et 8 raka'at, unités de prière, pendant la matinée qu'on appelle al-duha. Celle-ci commence un quart d'heure après al-shuruq, après le lever complet du soleil, un quart d'heure après. Et elle s'arrête un quart d'heure avant al-dhuhr. Tout ce temps-là est la prière du al-duha. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre dans ce livre afin de montrer les mérites de cette prière qui sont nombreux, et afin d'encourager à l'accomplir et nous montrer que la sunna a fortement encouragé à accomplir ces deux rak'ah du matin ou de la matinée qu'on appelle salat al-duha. Et nombreux sont les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion au mérite de cette prière. Parmi ces hadiths, celui qui est rapporté par Abu Huraira, dans lequel il nous dit « Awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath » Mon ami intime m'a enjoint trois choses. De qui il parle? Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon ami intime m'a enjoint, m'a recommandé, m'a fortement conseillé de faire trois choses. Quelles sont-elles? An utira qabla an anam, que je prie al-witr, une prière impaire, avant de dormir. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli shahr, et que je jeûne 3 jours de chaque mois. Wa rak'atay ad-duha. Et également les 2 unités de ad-duha. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé Abu Hurayra radiyallahu anhu à faire ces 3 choses, parmi lesquelles salat ad-duha. Donc on voit que la sunna encourage le musulman à pratiquer cette prière. Également dans un autre hadith, et d'ailleurs on le trouve dans Al-Arba'in Al-Nawawiyya, mais le résumé de ce hadith, c'est que chaque fois qu'un individu se lève le matin, il a une sadaqa, une aumône à donner pour chacune de ses articulations. Pour chacune de ses articulations. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un certain nombre de choses qui seront considérées comme des aumônes, telles que ordonner le bien, interdire le mal, et d'autres choses encore. Et à la fin, il dit qu'il suffit pour être égal à toutes ces choses citées comme aumône, c'est-à-dire il suffit comme aumône pour tous ses membres, et dans un autre hadith, toutes ces articulations, dans un autre hadith, on apprend qu'on en a combien ? 360. C'est-à-dire pour être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour toutes ces articulations qu'il nous a données et qu'on peut utiliser, subhanahu wa ta'ala, dans son obéissance et pour vaquer à nos occupations, on peut être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ces 2 prières, ces 2 rak'a du matin, salat ad-duha. Et peut-être que la raison et la sagesse qui se cachent derrière le fait que cette prière a ce mérite, c'est tout simplement le fait que quand le musulman se lève le matin, il commence à mettre ses membres et son corps avec ses articulations au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, après avoir cité certains mérites de cette prière, a dit que cette prière fait partie des hasanat ou est une hasana mahbouba. C'est une bonne action bien aimée. Bien aimée de qui? Bien aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cette prière salatul awwabin, la prière des grands repentants, de ceux qui reviennent repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il nous cite cette prière avec ce nom-là, en nous citant le meilleur temps où il faut l'accomplir. Il dit, Salatul Awwabin hina tarmudu al-fisal. Ce qui veut dire, la prière des grands repentants se fait au moment où chauffent les pattes des petits chameaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Au moment où le soleil frappe tellement fort que la chaleur devient intense, à un point où les petits des chameaux qui marchent sentent leurs pieds chauffer sur le sol. C'est-à-dire, pour résumer, le meilleur temps où on peut prier cette prière, c'est le temps où il fait le plus chaud. Et en général, c'est un peu avant Zawal. Donc c'est le dernier temps, juste avant le temps où on n'a plus le droit de la prier. C'est-à-dire à peu près 20 minutes avant Dhuhr. Donc voilà pour les mérites de cette prière. عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. معاذة a dit, c'est une femme, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha si le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la matinée, c'est-à-dire le duha. Oui, répondit-elle, 4 rak'a, et il ajoutait à cela ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc ici on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait donc le duha premièrement. Deuxièmement, on apprend qu'il le priait en 4 unités, en 4 rak'a. Et ça fait partie des façons de le faire. Et celui qui prie en 2 ou en 4, ou 6 ou 8, il aura atteint la sunna dans quoi qu'il fasse de ces choses-là citées, car elles font toutes partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. أنس بن مالك رضي الله عنه nous dit, la prière matinale du prophète صلى الله عليه وسلم comportait 6 ركعات. 6 unités. Donc, on vient de voir 4 et maintenant on voit 6. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. عبد الرحمن بن أبي ليلى a interrogé ou a reçu une information de Umm Hani, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Hani, c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et عبد الرحمن بن أبي ليلى dit: personne ne m'a informé avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier la matinée, al-duha, si ce n'est Umm Hani. Et là j'ai un doute, est-ce que c'est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Donc je retire cette parole et je vérifie inshallah. En tout cas c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib. Celle-ci a en effet relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle le jour de la conquête de la Mecque. Le jour où le prophète alayhi salatu wasalam est revenu de Médine et a réussi à reprendre Mecca des mains des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le prophète a fait ce jour-là? Qu'il se lava et fit 8 inclinaisons. Donc il a prié 8 raka'at ce jour-là. 4, 6 et maintenant 8. Et 2, c'est Abu Huraira qui nous rapporte cette information dans le hadith qu'on vient de lire. Donc on a 2, 4, 6 et 8. Et toutes ces choses-là font bien partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment étaient ces prières? Elle dit, je ne l'ai guère vu, ajoute-t-elle, faire de prières plus courtes que celle-ci, si ce n'est qu'il accomplissait de manière complète l'inclinaison du dos et la prosternation. Elle nous donne comme information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait courtement et que c'était d'ailleurs la prière la plus courte qu'elle a vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite après, elle corrige une erreur dans laquelle pourraient tomber beaucoup de gens qui pensent que prier courtement égale prier rapidement à un point où on ne respecte pas l'inclinaison, la prosternation, on n'invoque pas Allah azza wa jal correctement. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de manière complète toutes ses prières dans al-ruku', l'inclinaison, et aussi al-sujud. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. Donc ce hadith là, c'est aussi Abdullah ibn Shaqiq qui interroge Aisha radiyallahu anha et qui lui demande si le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-duha le matin. Elle répondit non, sauf quand il revenait de voyage. Sauf quand il revenait de voyage. Les hadiths où Aisha radiyallahu anha, l'épouse du prophète, nous parle de salat al-duha se divisent en 3. Dans certains hadiths, elle nie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-duha. Dans d'autres hadiths, elle affirme qu'il a prié constamment. Et dans le troisième hadith, elle nous dit qu'il ne priait al-duha que quand il revenait de voyage. Y a-t-il une contradiction entre ces trois trois informations qui proviennent de la même personne, Aïcha radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, il n'y a pas de contradiction. Fadhal. Ça dépend de la période de sa vie. Quelqu'un a autre chose? Ce n'est pas exactement ça. Les savants donc ont divisé les hadiths de Aïcha radiallahu anha concernant cette prière de Dhuha en trois. Les hadiths où elle nie le fait qu'il ait prié. Ils ne sont pas ici. Mais parmi ces hadiths, celui qui est rapporté par Al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha nous dit « Ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yusabbaha as-subha » Ce qui veut dire « Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier as-subha » c'est-à-dire la prière de laquelle on parle de la prière du Dhuha. Elle dit qu'elle ne l'a jamais vu prier cette prière. Ici, elle nous dit qu'il priait que quand il revenait de voyage. Et dans les autres hadiths, notamment le premier hadith de ce chapitre, quand Mu'adha l'a interrogé, est-ce que le prophète priait le matin? Oui, répondit-elle, 4 raka'ah, et il rajoutait ce qu'Allah voulait de ça. Comment concilier ces 4 informations? La réponse, premièrement, quand Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier al-duha. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'a jamais prié? Là, non. Elle ne l'a pas vu. Par contre, elle sait qu'il a prié parce qu'on lui a dit. Et le fait qu'elle dit « Je n'ai jamais vu le prophète prier al-duha » ne veut en aucun cas dire qu'il n'a pas prié cette prière. Ce qui est nié ici, ce n'est pas la prière, c'est la vision de Aïcha. Donc il n'y a plus de problème pour cette information. Comme ça. La deuxième, c'est quand elle nous dit qu'il priait que quand il revenait de voyage. Ça c'est par rapport aux informations qu'on lui donnait. Radiallahu anha. Elle sait que quand il revenait de voyage, alayhi salatu wassalam, il priait 2 raka'ah. Et également, elle nous dit qu'il priait 4 raka'ah parfois. Nous allons lire la parole de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Il nous dit, قُلْتُ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ حَدِيثَهَا الْمُتَقَدِّمُ Je dis, c'est-à-dire Al-Albani, en apparence, ce hadith contredit le précédent. فَإِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِرُجُوعِهِ مِنَ السَّفَرِ Car celui-ci est conditionné par le retour du voyage. Plus loin, il dit, وَذَاكَ مُطْلَقٌ Et celui-là, le premier, il est absolu. Il n'est pas conditionné par quoi que ce soit. فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا La conciliation entre ces deux hadiths, إِمَّا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِمَّا أَنْ يُقَالِ Donc soit, on dira que le hadith où on a cité de manière absolue les 4 raka'ah, est conditionné par celui-là, ce qui veut dire qu'il priait les 4 raka'ah quand il revenait de voyage, ce qu'on appelle « haml al-mutlaq ala al-muqayyad », porter l'absolu sur le conditionné. On a une information absolue et une autre conditionnée. La première, il prie 4 raka'ah de façon absolue, on n'a pas de temps. La deuxième, elle est conditionnée par un temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'information absolue et on va la conditionner par le deuxième texte et on va dire il priait 4 raka'ah à chaque fois qu'il revenait de voyage. Ça c'est la première chose qu'on peut dire. Il dit wa imma an yuqal hadha ala ma tala'at hiya alayhi min salatihi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on dira qu'elle parle de ce qu'elle a pu voir des prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, وَذَاكَ عَلَى مَا بَلَغَهَا مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ C'est-à-dire, ce qui lui est parvenu de certains des compagnons qui lui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 4 raka'ah, ou priait pardon, quand il revenait de voyage à ce temps-là, الضحى. فَيَكُونُ المثبت في هذا جزءا من ذاك وهو الصحيح والله أعلم. Et il apparaît que Cheikh Al-Albani rahimahullah choisit la deuxième éventualité, qui est que certains compagnons lui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans le temps du Ad-Duha, la matinée, quand il revenait de voyage. On va s'arrêter sur ce hadith-là, inshallah, et on reprendra samedi prochain, bi-idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم